Amis du rock, bonjour, très heureux de vous retrouver en ce lundi 23 octobre pour un nouveau numéro de Living in the Past, l'émission consacrée aux classiques du rock et de la pop. Jean-Marie en votre compagnie jusqu'à 11h30 et nous avons démarré de la meilleure des manières cette matinée du lundi après un week-end riche en émotions, jugé plutôt malheureusement la défaite de l'Excel ce vendredi malgré une influence record. Et hier, dans nos studios, un superbe concert des Max, le célèbre cover des Shadows, qui a réuni quand même plus de 100 personnes. Nous avons démarré donc cette émission de la meilleure des manières avec Ozzy Osbourne et No More Tears, la chanson titre de l'album de 1991. Et remémorons-nous qu'en cette époque, après deux albums en demi-teinte sortis en 86 et 88, Ozzy Osbourne était empêtré dans de sales affaires et était notamment en pleine controverse alors qu'il avait tenté d'étrangler sa femme Sharon sous l'emprise de l'alcool. Et la drogue faisait aussi alors partie de son quotidien, ce qui donnait bien entendu du grain à moudre à tous ses détracteurs qui ne donnaient plus cher de sa peau en ce début des années 90. Mais une fois de plus, le Madman était sur le point de se relancer en sortant en octobre 91 cet album intitulé No More Tears, tout simplement l'un de ses meilleurs albums, peut-être même le meilleur d'ailleurs. Et pour ce faire, l'ex-Black Sabbath ne s'est pas entouré que de baltringues, jugé plutôt à côté de Randy Castillo, Bob Daisley et Zakk Wylde, qui l'accompagnaient déjà depuis quelques années, sont venus se joindre Mike Inez d'Alice in Chains et le vieil ami de toujours, Mr. Lemmy Kilmister, pour donner un coup de main à la compo. En bref, sur le papier, la combinaison paraissait idéale et force est de reconnaître que la copie rendue a été largement à la hauteur du casting réuni. On poursuit en musique avec toujours de la bonne musique naturellement, avec aussi un groupe mythique Thin Lizzy et son célèbre Whiskey in the Jar. Thank you. C'était donc Tin Lizzy, Whiskey in the Jar. Et ce titre, Whiskey in the Jar, est en fait une célèbre chanson traditionnelle irlandaise qui parle d'un bandit de grand chemin officiant dans les montagnes des comtés de York et de Kerry et qui est trahi par celle qu'il aime. Pathétique, non ? Il s'agit en fait de la chanson irlandaise la plus jouée dans le monde et des groupes tels que les Dubliners, les Pogues, Peter, Paul and Mary, entre autres, l'avaient enregistré sur l'un de leurs albums avant que Tin Lizzy en fasse une version rock et version rock qui fera d'ailleurs des émules puisque des groupes comme U2, Grateful Dead, Pulp, Metallica et même Nolwenn Leroy l'ont reprise. Et ce titre est sorti en 1972 en single et la reprise de ce titre par Tin Lizzy a figuré en bonus sur la réédition de 1991 de l'album Vagabonds of the Western World. Alors, au menu aujourd'hui de notre émission Living in the Past, tout d'abord notre séquence anniversaire qui va démarrer ici à l'instant avec un superbe titre, enfin une petite pépite que je vous ai retrouvée de Stevie Wonder jeune. Il y aura ensuite notre feuilleton consacré, enfin la suite de notre feuilleton consacré à l'exploration de certaines caractéristiques de l'âge d'or de la musique progressive, avec un superbe extrait de Middle, de l'album Middle des Pink Floyd. Notre séquence Rock Made in France sera aujourd'hui consacrée à l'histoire du début du rock'n'roll français avec un groupe baptisé les Pirates. Ce sera peut-être pour pas mal d'entre nous une découverte et pour les plus anciens peut-être une redécouverte. Et enfin, l'essentiel de notre émission sera aussi consacré aux sorties récentes et aux rééditions. Voilà un programme bien chargé. Il est quasiment 9h19 et on va démarrer comme promis avec le Little Stevie Wonder Hallelujah, I Love Her So, extrait de l'album de 1962 Tribute to Uncle Ray, un hommage vraisemblablement à l'ami Ray Charles. Voici Little Stevie Wonder. Coffee in my favorite cup. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friends, I know she'll stick with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. Time I call from 104, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and whispers, Stevie, everything is alright. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. From wonderful, I hear on my door. In the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and whispers, Stevie, everything is all right. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. Little Stevie Wonder, Hallelujah, I Love Her So. Et donc, sans cette séquence anniversaire, nous avons pris l'habitude de voir ce qui s'est déroulé aujourd'hui, à la date du jour, soit aujourd'hui, un 23 octobre. Et le 23 octobre 1962, précisément, un petit bonhomme de 12 ans, surnommé alors Little Stevie, enregistrait sa première chanson pour la Motown. Il s'agissait de Thank You for Leaving Me All the Way. Malheureusement, je ne disposais pas de cet enregistrement, c'est pour ça que je vous ai proposé ce titre

better and better. C'était donc John Lennon, Beautiful Boy, un titre qui figure sur le dernier album que l'ex-Beatle avait enregistré en 1980 et qui s'intitulait Double Fantasy, album que nous avons d'ailleurs déjà visité dans notre rubrique l'album du jour. Et voilà. Toujours le 23 octobre, mais en 1995, la célèbre formation de hard rock Def Leppard a entré dans le livre des records. En effet, le groupe a donné ce jour-là 3 concerts en moins de 24 heures, mais l'exploit ne réside pas dans ce fait. En fait, ces 3 concerts ont eu lieu sur 3 continents différents. Le premier à Tanger en Afrique, le second à Londres en Europe et le troisième à Vancouver au Canada. On retrouve Def Leppard pour Sugar on Me. Hey! ça balance. Ça balance plutôt pas mal à Moucron, Def Leppard pour Sugar on Me. Et pour suivre le groupe Nirvana, toujours un 23 octobre, plus précisément en 1989, eh bien Kurt Cobain et les siens jouaient leur premier show de leur carrière en Europe. Et c'était au Newcastle's Riverside Club au nord-est de l'Angleterre. On sait que 36 dates européennes suivront avec le succès que l'on connaît. Voici un extrait du MTV Unplugged in New York, The Man Who Sold the World. We passed upon the stair, spoken was surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face. C'était donc un extrait de ce célèbre Unplugged enregistré à New York en 1994 et le titre que je vous ai proposé, The Man Who Sold the World. Place maintenant à la célébration de l'anniversaire de deux artistes que nous aimons. Tout d'abord, Dwight Yoakam, qui est chanteur et compositeur de musique country, ainsi qu'acteur, producteur, réalisateur, scénariste américain, né bien entendu un 23 octobre en 1956 à Pikeville, dans le Kentucky, aux États-Unis. Et ensuite, bon anniversaire aussi à Robert Trujillo, de son vrai nom Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo, excusez du peu, Veracruz, j'ai oublié, pardon, et qui est né à Santa Monica en Californie en 1964. Alors son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et bien sachez qu'il était le bassiste entre autres de diverses formations, entre autres les Black Label Society, Ozzy Osbourne's Band, et bien entendu Metallica. Mais on débute de suite après ce petit message avec Dwight Yoakam et son titre Fast As You. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. changement total d'ambiance avec Metallica, Enter Sandman. après l'ambiance country rock due à Dwight Yoakam avec Fast As You, un titre de 1993, extrait de l'album This Time, nous sommes passés à l'instant dans une ambiance un peu plus trash metal avec Metallica et Enter Sandman, issu de l'album éponyme de 1991. Et comme c'est la particularité de l'émission Living in the Past, on passe d'une époque à l'autre, mais aussi d'un genre à l'autre. Place maintenant à la suite de notre feuilleton, où on évoque certaines caractéristiques du rock progressif, notamment celui des années 70, c'est-à-dire l'âge d'or de ce style musical-là. Intéressons-nous aujourd'hui au texte et au graphisme des pochettes. En ce qui concerne les textes, ceux-ci témoignent le plus souvent d'une quête de spiritualité héritée du psychédélisme des hippies, ce qui était notamment le cas de Pink Floyd, de Yes et des Moody Blues. Quant à la musique, elle s'accompagne aussi d'un style graphique qui figure sur les pochettes, largement dérivé de l'esthétique surréaliste corrigée par les influences plus récentes du psychédélisme et de la BD de science-fiction. On se souvient des pochettes du studio Hypnosis pour Pink Floyd, comme celle du dessinateur Roger Dean pour Yes, qui crée ainsi un effet global avec la musique. On se souvient notamment des pochettes, bien entendu, de Yes et de Pink Floyd significatives. Et ici, pour illustrer notre propos, je vous propose d'écouter un extrait de l'album Middle de 1971, Echoes. Et on se souvient pour cet album de la pochette caractéristique qui montrait l'intérieur de l'oreille humaine. Voici Echoes de Pink Floyd. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Un peu de sonar. Alors, ce n'est pas la version tout à fait originale qui figurait sur l'album, mais bien celle qui figurait sur un best-of. Elle est un peu plus courte, mais elle fait quand même plus de 16 minutes. Bonne écoute! Thank you.

connecting and inciting me to rise. And through the window in the wall comes streaming in on sunlight wings a million bright ambassadors of morning. À ce titre, Echoes des Pink Floyd est arrangé assurément parmi les chansons les plus originales et les plus ambitieuses de ce fabuleux groupe de rock progressif. On aurait remarqué que le titre commence avec un thème marin inspiré par la note de piano créée par Rick White et qui ressemble à un sonar passé dans une cabine Leslie. Et pour terminer avec ce titre et cet album Middle, et sa pochette plus précisément, sachez que Steve Torgerson d'Hypnosis avait suggéré au départ de représenter sur la pochette un anus de babouin en gros plan. Mais le groupe a finalement décidé de choisir une pochette montrant une photo de l'oreille humaine baignée dans des ondes sonores. Living in the Past, l'album du jour. Living in the Past. Du rock made in France. Je ne connaissais que la chance. Ma fiancée était jolie. Elle a connu un autre gars. Pour notre amour, il faut qu'elle oublie. L'amour sera bien plus fort qu'avant. Je possède tout ton chagrin. Ça fait très mal, je le sais bien. Tout pour commencer, il faut oublier. Oublie la rue, il brise ton cœur. peux pour faire ton bonheur. J'ai tout pardonné, je t'aime tant. Notre amour sera bien plus fort qu'avant. Oublie-la, il brise ton cœur. Reviens vers moi, seul je peux faire ton bonheur. J'ai tout pardonné, je t'aime tant. Notre amour sera bien plus fort qu'avant. Oublie la rive, oublie la rive. Et pour notre séquence Le Rock Made in France, partons. Nous sommes partis maintenant au début des années 60, au tout début du rock'n'roll français, avec le groupe, un groupe composé de Danny Logan au chant, de Jean-Pierre Maléjac à la guitare solo, Jean-Pierre Hector Orfino guitare rythmique et Jean Veldli basse, ainsi que Michel Ox qui apparaît en juillet 1961, avec un premier IP 45 tours comprenant 4 titres, dont une adaptation du tube américain It's Off to Larry de Del Shannon, intitulé en français Oublie Larry, que nous venons d'écouter. Il s'agit bien entendu du groupe Les Pirates, probablement que la plupart d'entre nous n'en connaissent même plus l'existence. Et donc ce matin, on va essayer de réparer un peu cet oubli. Et sans atteindre, certes, la popularité des deux grands groupes de l'époque qui les précèdent, à savoir les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages, ça vous dit sûrement un peu plus, ça vous parle sûrement un peu plus. Et il connaîtra, ce groupe, Les Pirates, un assez bon succès national avec des disques enregistrés sous le label Bel Air lié à Barclay. Et leur premier disque en 1961 ont un son très rock et relativement puissant. Avec tes yeux qui regardent mes yeux, avec ta voix ça ressemble à moi. Avec tes yeux, avec ta voix, tu mets le feu dans mon cœur. Avec tes mots qui résonnent dans ma tête, et tes idées, oui c'est ma fête. Avec tes mots et tes idées, oh tu mets le feu dans mon cœur. En rien de toi, oh oui m'en fous. Sensible à tout, tout, tout. À tout, de toi, de tes yeux, ta voix, tes mots, c'est fou, fou, fou. Avec tes nuits, à bout dans notre amour. Avec tes jours, préparant ces nuits, c'est fini. Je suis pris, oh, j'ai pour toujours le feu de l'amour. Sensible à tout, tout, tout. À tout, de toi, de tes yeux, ta voix, tes mots, c'est fou, fou, fou. Avec les nuits abritant de votre amour, avec tes jours préparant ces nuits, c'est fini, je suis brioché pour toujours le feu de l'amour. C'était Tu mets le feu, un titre sorti en single en 1961. Et avec l'arrivée du twist en 1962, les interprétations du groupe Les Pirates s'assagissent certainement contre leur gré à grand renfort de saxophone, de piano et de chœur féminin. Leur musique annonce l'époque yéyé. Mon nom serait peine, mon nom serait lourd. Dans mon âme même, au sans ton amour. Oh, oh, Teddy. Oh, oh, oui, Teddy. C'est mon nom. Oh, yeah. Dans le vide immense, après ton départ, je n'ai plus confiance, tout me semble noir. Oh, Teddy, oh oui, Teddy, c'est mon nom. Oh, yeah. Ah, je suis si triste. Mon cœur est plein de regrets. Je sais que j'en mérite le nom que tu me donnais. J'écris cette lettre afin que mon cœur, du fond de mon être, mérite sa bonne. Oh, oh, Teddy. Oh, oui, Teddy. C'est mon nom. Oh, yeah. Oh, oui, je sais. Je sais, j'espère. Que près. Que tout près de moi. Ta vie. Ton cœur, ta prière reviennent pour toute ma joie. Mon nom sera riche, tout comme autrefois. Car mon cœur ne triche, seul tu comptes pour moi. Oh, oh, Teddy. Oh, oh, oui, Teddy. C'est mon nom. Oh, yeah. Oh, oh, oh, Teddy. Oh, oh, oui, Teddy. C'est mon nom. Oh, yeah. Danny, les pirates en 1962. Et les pirates seront d'ailleurs très vite reconnus comme le troisième groupe de rock français par les jeunes. Ils se produiront un peu partout, notamment au célèbre club Le Golf Drouot. Et début 1963, l'armée commence à se rappeler au bon souvenir des membres du groupe. Plusieurs de ces membres seront appelés sous les drapeaux. Et en janvier 1964, rattrapés par l'armée et le début de la vague des British Groups, le groupe finira par se séparer définitivement à l'issue d'un dernier gala donné dans notre région, à Lille précisément. En 1979, les pirates se retrouveront toutefois le temps d'un dernier 33 tours intitulé « Quelques années plus tard », mais malheureusement, je n'en ai pas retrouvé trace. Laissez-nous twister. Vous avez connu le bon temps, pour nous qui avons 20 ans. Le bon temps, c'est maintenant. Et laissez-nous twister. S'agit pas de vous moquer, arrêtez de nous blâmer. Nous dansons ce qui nous plaît. Et laissez-nous twister. Oh, twister, twister. À notre tour de danser. Twister, twister. Et laissez-nous twister. On ne vous reproche pas le tango ou le cha-cha. Continuez, c'est votre droit. Et laissez-nous twister. De votre temps, la même chose à vos parents. Laissez battre notre sang et laissez-nous twister. Et twister, twister, à notre tour de danser. Twister, twister, et laissez-nous twister. Ouais! C'est pas à lancer et vous aimez twister. Oh, twister, twister. La jeunesse veut s'amuser. Twister, twister. Et laissez-la twister. Oh, Allen, hop. Allen, back. Allen, hop. C'est avec ce titre « Laissez-nous twister des pirates » que nous refermons cette petite histoire de ce groupe de rock'n'roll français qui a sévi au début des années 60. Et vous aurez naturellement reconnu qu'il s'agissait d'une reprise du célèbre titre de Sam Cooke, « Twistin' the Night Away », comme c'était le cas pour beaucoup de morceaux traduits en français. Ce ne sont jamais que des reprises, dans la plupart des cas, de standards anglophones. Et poursuivre... Living in the Past, l'album du jour. The Beatles, Across the Universe, extrait de l'album Let It Be. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Dave. Suns, it calls me on and on across the universe. Change my world. Nothing's Nous avons démarré de la plus belle des manières notre séquence l'album du jour avec Across the Universe des Beatles, puisque nous consacrons aujourd'hui notre séquence à l'album de 1970, Let It Be, et j'ai choisi un album des Beatles pour célébrer aussi à ma manière le 30e anniversaire des Beatles Day qui ont eu lieu le samedi 14 octobre 2017 à Mons. Et cet album Let It Be est sorti le 8 mai 1970 en Europe, soit un mois après la rupture officielle des Fab Four. Et Let It Be, ben, c'est un cas à part dans l'histoire des Beatles qui doivent, pour la circonstance, se débrouiller sans leur mentor et producteur de toujours, George Martin, hein, qu'on a tout souvent baptisé le cinquième Beatle. La qualité du son ne sera d'ailleurs pas une entière réussite, même si le groupe finit par faire appel au légendaire producteur Phil Spector. Enregistré avant le chef-d'œuvre Abbey Road, il sera publié après, soit en mai 1970. Et le 2 janvier 1969... C'est à cette date que les Beatles débuteront les sessions d'enregistrement. Et John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont alors entre 26 et 29 ans. Et dans une ultime tentative de sauver la formation, l'ambiance n'est déjà plus au beau fixe, Paul McCartney propose alors à ses amis un retour aux sources et de composer ensemble en situation live, histoire de renouer avec la spontanéité et la fraîcheur de leur début. Et le projet est baptisé « Get Back », comme ce titre qui figure et qui clôture l'album. Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner. Sweet but Rosetta. She was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picks of the fingers, great. Okay. Sorry. 10h32 sur les ondes d'RQC. Get Back. Thank you. Thanks, Mo. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. Les Beatles Get Back, et ce projet est proposé par Paul McCartney en préparation d'un show télévisé qui doit avoir lieu. Vous permettez un instant, j'ai un petit problème technique. Je vous lance le titre suivant, The Long of Winding Road. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here? Let me know. Sur l'album Let It Be de 1970 que nous revisitons ce matin. Encore toutes mes excuses pour ce petit contretemps technique et on poursuit le cours normal de notre émission. Je reviens au projet initié par Paul McCartney qu'il avait baptisé Get Back en préparation d'un concert qui devait être retransmis en direct à la télévision, agrémenté d'un film sur les coulisses. Et donc les Beatles se retrouvent alors sous l'œil des caméras dans les studios de cinéma de Twickenham en banlieue londonienne. Mais de l'idée du show télévisé, il ne restera qu'un mini-concert sur le toit d'Apple, leur maison de production. Hein. Donc ce mini-concert très connu, très célèbre. En studio, malheureusement, les relations entre les musiciens sont plus que tendues. Ils se cherchent noises, même face aux caméras. Et le plus souvent, c'est un McCartney autoritaire, parfois prétentieux, qui irrite les autres. Et le 10 janvier, George Harrison, se dispute avec Lennon et décide de s'en aller. Il ne reviendra qu'après le départ du groupe de Twickenham pour Apple. Et c'est dans un studio de fortune que reprennent alors les sessions. Harrison contribuera quand même à l'album avec deux courts morceaux, I'm in Mine et For You Blue, que nous écoutons à l'instant. On sort moins le quart sur les ondes RQC. Because you're a sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl, for you. Plus tard, le dimanche 4 janvier 1970, trois des quatre Beatles se retrouveront une dernière fois dans le studio d'Abbey Road. Lennon est absent, il a déjà quitté le groupe. Quant à Harrison, il refait une nouvelle fois son solo en mode plus percutant sur le titre « Let it be ». McCartney et sa femme Linda enregistreront quant à eux les chœurs et George Martin, de retour pour la circonstance, ajoutera des cuivres et quelques cordes. Cette version de « Let it be » sortira en single en mars 1970, soit deux mois avant la sortie de l'album. On allume les briquets. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be.

Tous les amateurs de blues rock seront véritablement comblés avec ce nouvel album de Walter Trout dont nous venons d'écouter la plage titulaire We're All In This Together avec comme invité Joe Bonamassa. Et avec Battle Scar, un album sorti en 2015, Walter Trout nous avait offert un véritable témoignage dont l'émotion était le ciment. Revenu d'une terrible maladie, il avait fait une thérapie par cet opus qui avait touché tous les amateurs en plein cœur. Et après une tournée en compagnie de son fils et un live intitulé « Live in Amsterdam » sorti en 2016, dont le titre parlait de lui-même, le légendaire, chanteur-guitariste revient avec un disque dont le concept reste original. En effet, si constituer un album entier de duos n'a rien d'exceptionnel, composer chaque titre en fonction de la personnalité de l'invité se révèle par contre beaucoup plus rare et risqué. Mais du haut de ses 66 ans, Walter Trout n'a plus peur de grand-chose, n'a plus rien grand-chose non plus à prouver, et il entend bien profiter de sa nouvelle vie sans réserve. Il a relevé donc ce défi haut la main en laissant découvrir au passage un carnet d'adresses qui laisse rêveur. Et poursuivre un autre monument, cette fois de hard rock, Motorhead, avec aussi une reprise Heroes. We'll be right back. Motorhead avec une reprise du célèbre titre de David Bowie, Heroes. Et l'ami Lemmy Kilmister, le leader du groupe dont nous avons évoqué au début d'émission la participation à l'album No More Tears de Ozzy Osbourne, ben, l'ami Lemmy n'est plus des nôtres depuis presque 2 ans maintenant, mais l'industrie musicale pense toujours à lui et aussi un peu à notre portefeuille en sortant ce nouvel album de Motorhead baptisé Undercover et qui est consacré à certaines reprises que le groupe a réalisées sous l'ère Phil Campbell, Mickey Day, les derniers musiciens qui l'ont accompagné depuis 1984 pour Phil et 1993 pour Mickey, qui depuis lors a rejoint en tant que batteur le groupe Scorpion. Et l'album ne surprendra pas les fans du groupe, puisqu'ils connaissent la plupart de ses reprises, à part celle de David Bowie et Heroes, que nous venons d'écouter, et qui a été enregistrée en fait pendant les sessions de Bad Magic en 2015, avant la disparition de Ziggy Stardust, décédé 13 jours après Lemmy Kilmister. On passe à tout à fait autre chose pour célébrer l'anniversaire de la sortie il y a 20 ans de l'album Urban Hymns du groupe The Verve. Semblant de rien, ce Bittersweet Symphony des Verve a déjà 20 ans. Et en 1997, la Britpop était au sommet de sa gloire. Avec notamment Oasis en fer de lance et Wonderwall comme chanson emblématique du mouvement. Mais Oasis en donne une version caricaturale, les frères Gallagher étant plus à même de faire parler d'eux pour leurs frasques et engueulades que pour leur musique. Attention, je ne dis pas que The Verve est un groupe soft, loin des consommations illicites et de prises de bec mémorables, bien au contraire. Et ce quintet au line-up instable existait en fait déjà depuis la fin des années 80. Il avait déjà sorti deux albums studio passés totalement inaperçus et autant dire qu'on n'attendait pas grand-chose d'un groupe obscur mélangeant pop-rock, psychédélisme et excès de drogue. Et puis, ce Bittersweet Symphony a débarqué sur les ondes. Et là, c'est le choc. Cette chanson de près de 6 minutes, à l'orchestration ciselée, au rythme imparable, on vient de l'écouter, est devenue l'un des plus gros succès de l'année et fait désormais partie des grands titres de l'histoire du rock des années 90. Un petit miracle, en somme. Et pour l'anecdote, Richard Ashcroft, le leader du groupe, a repris la version symphonique d'une chanson des Rolling Stones, The Last Time, comme base de ce Bittersweet Symphony. Résultat des courses, pour une question de droit d'auteur, The Verve ne touchera aucun centime sur l'immense succès de ce titre. Heureusement pour le groupe, d'autres singles extraits de l'album viendront quelque peu corriger cet affront. On poursuit toujours en musique avec aussi un groupe qui s'est révélé durant les années 90 et qui vient de sortir un tout nouvel album. Il s'agit des Foo Fighters et leur album Concrete and Gold. On en écoute un extrait, The Sky is the Neighborhood. <t'en> 11h17 sur les ondes d'RQC. Don't make a sound. a star burned down. Something coming up, but it don't look now. Living in the past. Mad in rap. Et poursuivre Pearl Jam, Low Light. C'était donc Pearl Jam. On a poursuivi dans le mode grunge avec ce Low Light, un extrait du nouveau de nouvel album DVD qui est sorti récemment, en même temps d'ailleurs qu'un documentaire sur le groupe qui est sorti, qui a été projeté d'ailleurs dans les salles, y compris en France et en Belgique, notamment au Kinépolis. Et ce concert, c'est le concert qui est, enfin, ce sont des extraits des concerts qui ont été donnés les 20 et 22 août 2016, au cours duquel Pearl Jam revenait à Chicago, la ville natale du chanteur Eddie Vedder, pour deux concerts d'exception au stade mythique Wrigley Field, quartier général des célèbres footballeurs américains, les Chicago Cubs. Et pour célébrer cet événement, le groupe a mis en boîte donc ce documentaire Let's Play 2, qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, diffusé récemment dans différentes salles du pays. On retrouve maintenant un autre chanteur mythique, qui a mené toute sa carrière, une bonne partie de sa carrière au sein de la formation Pink Floyd. Il s'agit de David Gilmour. Et David Gilmour a aussi effectué des concerts. Il est revenu là où les Pink Floyd avaient enregistré il y a plus de 40 ans, le Live at Pompeii. Il a refait sa propre version. Je vous en livre un extrait, Faces of Stone. Of stone that watched from the dark as the wind swelled around and you took my arm in the park. Images framed hung high in the trees and you talked of your youth. But the years had turned dry as the leaves. Your lover was gone. His replacement to hand. Just what the difference was, you could not understand. In darkening gray, we walked back through the streets. Then you talked all night long of your childhood home by the sea. And I sat on the roof. The night overflowed. No more was said, but I learned all I needed to know. Your Hollywood smile shone a light on the past. It was the future that you held so tight to your heart. Sublime David Gilmour qui, 40 ans plus tard, se retrouve à Pompéi pour enregistrer le concert Live at Pompéi, dans lequel il reprend naturellement les extraits de son dernier album, comme ce Face of Stone, mais aussi quelques titres légendaires des Pink Floyd. On va terminer cette émission, il est 11h33 déjà, oui, que le temps passe vite. J'espère que vous avez passé en notre compagnie d'excellents moments. Moi, pour ma part, en tous les cas, ce fut le cas. Avant de vous quitter, je voudrais quand même vous signaler que la semaine prochaine, donc soit le 30 octobre, je ne serai pas au micro. Vacances oblige. Donc je fais l'émission Living in the Past, fait relâche. Mais comme d'habitude, une programmation classic rock sera au rendez-vous avec notre sympathique Hector. Notre machine à tube. Et on va terminer quand même cette émission avec un groupe belge que j'apprécie particulièrement, originaire de Braine-l'Alleud, les Girls in Hawaii, qui ont sorti tout récemment un nouvel album, Nocturne. Et c'est vrai qu'après le demi-échec de leur précédent album de 2013 qui s'intitulait Everest, bien on attendait ce groupe au tournant, parce que l'ambiance en studio avait été pour cet album Everest des plus chaotiques. Et le nouveau batteur Andy Reinhardt finissant même par quitter l'aventure peu avant la tournée promotionnelle. Surtout, le groupe avait traversé un épisode incroyablement douloureux et de ceux qui poussent à se réinventer et promettent d'accoucher de chefs-d'œuvre et ou de s'écraser lamentablement. Deux phrases empruntées par les natifs de Braine-l'Alleud, mais dans l'autre sens. En effet, après l'échec que constituait un Everest inférieur à ses deux premiers longs formats, le groupe tutoie à nouveau les sommets avec ce Nocturne que je vous recommande chaleureusement, réalisant peut-être là son grand chef-d'œuvre pour la circonstance. C'est actuellement mon petit chouchou et je vous en offre un extrait, Guinea Pig, en vous souhaitant une bonne semaine, de bonnes vacances de Toussaint, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 6 octobre prochain. C'est promis. D'ici là, portez-vous bien. I wake up in a cave, you're by my side. I see the chandeliers gleam, a thousand lights. Picture on the wall of 96, you and I just smiling like monkeys. Swimming to wake me up, I'm flooding with no shape, no conscience. Look across the room and see the girl, looks like a Greek old-fashioned sculpture. Just wait outside, I'll be there. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden skull. Infinite desire, you show me now. Where are the smiles and laughs again? Here again, with you aside, I only see the black beauty mark on the back. Picture on the wall of 86, there's only me but much younger, straight on the pier. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden skull. Infinite desert, you show me now. Where are the smiles and laughs again? You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden skull. Infinite desert, you show me now. Where are the smiles and laughs again? Living in the past. Le rock en balade. Living in the past. Le meilleur du classique. Tell me what I- Yes, I want.